téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « À la poursuite des livres manquants », une série d'Élise Gruot réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a les livres qu'on attend, ceux qui ont disparu, et il y a aussi des quêtes archéologiques comme un écho des aventures d'Indiana Jones, et enfin la Bible comme un commencement sans fin. Alors pour commencer, les personnages, une chercheuse qui raconte, un historien enquêteur, une archéologue qui trouve, un chercheur qui escalade, des moines qui veillent, une restauratrice de papyrus et le traître par excellence. Ensuite, le décor. L'Arche de Noé, la Palestine, le 15e siècle, une jarre à Qumran, une religion qui débute, Genève et son cercle secret, des manuscrits cachés dans les murs, un musée, une chambre forte, un papyrus, des papyri, des fragments et un livre perdu volontairement. Aujourd'hui, premier épisode, on regarde un vieux film. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. À la poursuite des livres manquants, l'histoire sans fin de la Bible. Élise Gruot, Anna Schmuck. Ah, la Bible, c'est quand même un monument de la littérature mondiale. C'est plutôt une bibliothèque qui a été rassemblée en un seul volume. Et d'ailleurs, le mot « Bible » vient du pluriel « ta biblia » en grec. « Biblia » veut dire « les livres ». Je me souviens du jour où je vis pour la première fois exposer des feuillets de l'Évangile de Judas à la Fondation Martin Bodmer près de Genève. Ils étaient les survivants d'une histoire rocambolesque remontant à l'Antiquité et dont j'assistais au dénouement, presque 2000 ans plus tard. Évangile apocryphe, condamné et combattu par les pères de l'Église, considéré comme disparu. Il était pourtant là, et il témoignait, lui aussi. Un nouveau pan de la tradition biblique avait reparu, révélant de surcroît une autre vision de l'histoire de Jésus en son temps. Les feuillets de papyrus en partie abîmés me rappelaient qu'avant d'être des livres de poche, les grands livres de notre tradition avaient traversé les siècles sur des supports de papyrus et de parchemin, et que leur transmission jusqu'à nous relevait de fils ténus, en somme, de petits miracles. Dans ce grand continent et parmi les archipels retrouvés, il y avait beaucoup d'îles submergées, et sans doute d'Atlantide aussi, qu'on tentait depuis des siècles de mettre à jour. J'ai voulu regarder cet objet de fascination de notre civilisation du livre, ce contre-champ de nos bibliothèques, les livres manquants, retrouvés, rêvés, fantasmés parfois, et remonter le fil de quelques histoires fameuses. Avant d'aller retrouver l'Évangile de Judas, il fallait raconter comment la Bible est entrée dans l'histoire, avec les spécialistes qui s'attellent à remonter les sources qui ne cessent de reculer. Une histoire sans fin, jalonnée de grottes, de bédouins en quête de chèvres perdues, de jarres bourrées de manuscrits, de sous-sols miraculés, de fantômes ressuscités. Aujourd'hui, vous allez dans une librairie, vous achetez la Bible. Mais à l'intérieur, évidemment, de ce livre, il y a des choses qui sont très, très différentes. On a des récits, on a des textes législatifs, on a de la poésie, on a des cantiques, on a même des textes érotiques. Il y a de tout. Il faut bien imaginer que tout le Moyen-Âge, c'était représenter la Bible dans les images de son temps. Si vous regardez un tableau illustrant la Bible au Moyen-Âge, vous voyez la Vierge Marie habillée en costume médiéval. Vous voyez le roi David comme le roi Saint-Louis. tout à coup, quand on se met à redécouvrir le Proche-Orient, les représentations de la Bible changent du tout au tout. On se met à habiller les apôtres comme des bédouins. Vous voyez, donc la représentation du contexte de la Bible change à ce moment-là, diamétralement. Et donc, en fait, on ressent le besoin d'aller lire la Bible sur place. On comprend qu'il faut donner un décor au corps de ces textes. Ces textes, ce n'est pas des textes atemporels, ce n'est pas des textes tombés du ciel, c'est des textes qui ont été écrits par des humains dans des contextes spécifiques. C'est quand même un des grands trésors de l'humanité. Il faut avoir la possibilité d'étudier les textes qui jouent un rôle important dans l'histoire, pas seulement religieuse d'un pays, d'une manière comme on le fait pour les grands autres textes de l'humanité. Les premières découvertes vont se faire dans la littérature de la Mésopotamie ou de l'Égypte. En Mésopotamie, au XIXe siècle, on découvre des fabuleuses bibliothèques royales dans les palais de Ninive, par exemple. Alors, on trouve en particulier une série de tablettes qu'on va appeler l'épopée de Gilgamesh et au sein de laquelle est racontée l'histoire d'un sage à qui un dieu a rapporté que les dieux étaient fatigués du bruit que faisaient les hommes et qu'ils avaient décidé d'envoyer un grand déluge, de noyer tout ça, mais que ce sage-là avait été un homme bon et que lui, ce dieu-là, avait décidé de le sauver et lui demandait de rassembler une espèce de chaque animal, les mettre dans un bateau, dans une grande arche, et de les mettre à l'abri de telle sorte que le monde serait sauvé. Vous avez parfaitement compris qu'il s'agissait de l'histoire de Noé, l'histoire du déluge qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Or, cette histoire du sage Utnapishtim est bien antérieure au récit de la Bible, qui montrait que la Bible avait puisé ses sources dans une littérature autre. La Bible n'avait pas fait œuvre originale. Alors ça fait comme un électrochoc quand même dans la société chrétienne du XIXe siècle. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'archéologie a démarré vraiment au Proche-Orient et en Palestine en particulier. C'est que puisque l'archéologie montrait qu'elle pouvait éclairer les sources du texte sacré, eh bien on allait lancer des fouilles en Palestine. Les sables du désert contiennent tout. Thomas Römer, vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique au Collège de France. Comment est venue pour vous cette vocation de devenir un historien bibliste? Alors, qu'est-ce que vous vouliez découvrir? Écoutez, j'ai toujours aimé les livres policiers, donc j'ai toujours aimé de mener des enquêtes à partir des indices que vous avez. Donc du coup, c'était un peu comme faire un puzzle pour reconstituer un peu les différentes étapes de l'écriture. Donc je crois que ce qui m'avait fasciné aussi, c'est qu'on peut aborder ce texte un peu comme une sorte de faisceau d'indices aussi, que les textes portent en lui encore comme en fait l'archéologie, les traces en fait de sa composition. Donc parfois je me dis aussi, je suis un peu un archéologue du texte, et je crois que c'est ça aussi ce qui m'a fasciné, ce travail un peu archéologique par rapport au texte. Est-ce qu'on a toujours été à la recherche des manuscrits de la Bible ? L'intérêt pour les manuscrits est lié à l'humanisme, à l'époque aussi de la Réforme, où tout d'un coup, parce qu'avant, en fait, dans le judaïsme, on se contentait de ce qu'on appelle le texte reçu, un manuscrit composite, je crois, du 15e, 16e siècle, manuscrit de Venise. Dans le christianisme, jusqu'à la Réforme, on avait la Bible en latin. Et puis, on ne posait pas trop de questions de savoir ce qui était derrière. Donc, c'était ce qu'on va appeler plus tard, contre les réformateurs, la Vulgate. Mais voilà. Et c'est seulement autour des travaux d'Erasme, après des réformateurs, que tout d'un coup, on s'intéresse aux manuscrits. On se rend compte que le texte hébreu dit autre chose que la traduction en latin. On se rend compte aussi qu'il y a diversité des manuscrits. Et donc peut-être derrière cette diversité, on peut reconstruire ce qu'on appelle en allemand le Urtext, c'est-à-dire le texte primitif originel. Et donc je pense cette fascination ou cet intérêt pour le premier texte, le premier manuscrit perdu, ça naît à cette époque-là, hein, aux alentours du 15e, 16e siècle. Pourquoi tu nous suis ? Pardon, je suis désolé, j'ai pas demandé la permission. J'ai cru les paroles du prophète. On n'a pas besoin de traces, ni de secrétaire particulier pour les générations suivantes. D'où viens-tu ? De Qumran. Depuis combien de temps tu nous suis ? Depuis le début, depuis la Galilée. Depuis la Galilée ? Oui. Tu as tout noté ? J'ai noté tous les miracles, toutes les guérisons. Toutes les paroles de mon maître ? Oui. Estelle Villeneuve, vous êtes archéologue. À partir du 19e siècle, comment... s'y prend-on pour chercher à trouver des sources? Oui. À partir de la moitié du début du 19e siècle, on commence à trouver, circulant sur le marché des antiquités, des fragments de manuscrits, dont des fragments de manuscrits de la Bible. Et là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des petites divergences. Et les chercheurs se prennent à penser que derrière tous ces manuscrits, on peut essayer de restaurer une version du texte pur. Et donc les chercheurs partent à la recherche de manuscrits authentiques. Alors, pour ce manuscrit-là... Comment s'appelle ce document ? Alors, c'est le Codex du Sinaï, le Codex Sinaiticus, comme on l'appelait pour lui donner un nom grec. Pour la première fois, on a un document qui montre l'état du Nouveau Testament au IVe siècle, c'est-à-dire plusieurs siècles avant les Bibles qu'on connaissait jusque-là. La grande surprise, c'est de s'apercevoir qu'il y a des passages qui ne sont pas dans les œuvres. Par exemple, le passage de la femme adultère ne se trouve pas dans cette version-là, de même que la finale de l'évangile de Marc. Et ça a été une grande surprise. Donc l'apport de ces textes et des textes suivants vont bien sûr modifier la vision qu'on peut avoir de la Bible, puisque jusque-là, la Bible était une sorte de monolithe. Et on considérait qu'elle avait toujours, depuis la première plume jusqu'au lecteur du moment, qu'elle n'avait jamais varié. Et que s'il y avait des différences entre différents manuscrits, eh bien ma foi, c'était un problème de traduction et c'était pas un problème de rédaction. Et là, on s'aperçoit que, eh bien non, il peut y avoir des différences entre de conception entre un manuscrit et un autre. Qumran, c'est ce lieu où un bédouin, vous allez le découvrir d'ailleurs sur une carte, ce lieu, pour bien le situer, donc au sud-est de Jérusalem, tout près de la mer Morte, donc au bord de la mer Morte, c'est ce lieu donc où un bédouin découvrit une jarre remplie de manuscrits datant de plus de 2000 ans. À l'aube, dans ce lieu mythique, Qumran, un mur de rocailles truffé de grottes en face de la mer Morte et des montagnes de Moab. Ici, une secte juive, les Esséniens, il y a 2000 ans, a probablement accueilli le Christ et l'a initié à la purification par le baptême, à la communion par le partage du pain et du vin. Dans ces grottes, en 1947, un bédouin recherchant une chèvre égarée a trouvé une jarre contenant des manuscrits. D'autres jarres semblables seront ensuite mises à jour. Ainsi vont être exhumées les textes écrits il y a plus de 2000 ans, les manuscrits de la mer Morte. Alors, la question va surtout être révélée par l'apport d'énormes quantités de manuscrits comme à Qumran en 1947. Au total, ce sera quand même quelque chose comme les fragments de 900 livres qui vont être rassemblés et qui vont pouvoir être étudiés. Et ces livres sont bien antérieurs à la constitution de la Bible en tant que récit sacré. Ça, c'est une découverte extrêmement importante, absolument capitale pour les études bibliques. Ces découvertes se rapportent à un moment où la Bible n'avait pas encore le statut de source sacrée. Source canonique. Qu'est-ce que ça nous montre ? Alors, c'est une littérature religieuse qui circule, sur lesquels les scribes réfléchissent, les interprètes de la tradition biblique s'interrogent. Les prêtres, les différents courants de la communauté juive travaillent à partir de ces textes, mais il y avait toute une bibliothèque sacrée. Ce n'est qu'après que, après la chute du temple de Jérusalem, après la chute du temple qui va complètement modifier le paysage religieux du judaïsme, les rabbins de la tradition pharisienne vont se pencher sur tous ces écrits et arrêter un certain nombre de livres, et c'est ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire ils définissent ce qui va pouvoir rentrer et être considéré comme livre saint, inamovible, on ne le bougera plus. On cherche à remonter aux sources premières de cette composition biblique, enfin de ce qui va devenir la Bible. Et jusqu'à quand remontent les sources que vous avez pu mettre en évidence? Alors, à Qumran, les plus anciens manuscrits remontent au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même très, très ancien. Mais des fragments de textes ont pu être découverts avant. Je pense par exemple à une petite amulette en argent qui a été découverte dans une tombe de Jérusalem et qui, elle, recopie une partie de psaumes. Alors, est-ce que c'est déjà un psaume biblique ou est-ce que le psaume biblique va utiliser des prières préexistantes? Voilà, tout ça, ça peut être des sources de débat. Mais de toute façon, la Bible, en tant que recueil, elle, c'est quelque chose de plus tardif. La compilation, elle remonte à Alexandrie, au 3e siècle avant Jésus-Christ, où les autorités grecques ont demandé aux Juifs de traduire le livre saint, donc traduire les 5 premiers livres de la Torah. Donc, le concept de livre est un concept qui remonte au 3e siècle avant Jésus-Christ et qui s'enracine dans le judaïsme grec d'Alexandrie. Alors, il y a une légende qui se trouve dans une lettre d'Aristée qui raconte comment le bibliothécaire de la grande bibliothèque d'Alexandrie demande au roi Ptolémée, pour compléter en fait tous les trésors bibliographiques, de traduire la Bible des Juifs ou la Torah des Juifs en grec. Et donc l'idée c'est que le roi va chercher 72 savants juifs qu'il fait traduire indépendamment le même texte, et comme par hasard tout le monde traduit exactement de la même manière. Donc c'est une sorte de récit légendaire pour montrer la valeur en fait, l'importance et l'autorité aussi de la traduction grecque qui peut-être n'a pas été acceptée par tout le monde à l'intérieur du judaïsme. À cette époque-là, 3e, 2e siècle, il y avait en Alexandrie une grande diaspora juive, hellénophone. Et donc, on peut imaginer qu'il y avait aussi un besoin pour cette diaspora d'avoir en fait le texte hébraïque qu'ils comprenaient peut-être plus en version grecque. En même temps, on pourra aussi imaginer que c'est une possibilité ou une volonté même de faire connaître la Torah aussi au monde grec. Parce qu'on constate quand même, si vous prenez des gens comme Philon d'Alexandrie et d'autres, donc des auteurs, des philosophes juifs, qui étaient en effet très intéressés à cette rencontre avec les traditions philosophiques grecques. Et donc, chez Philon, il y a toujours cette idée qu'en fait, Moïse est antérieur aux grands philosophes grecs qui, en fait, n'ont rien inventé parce que tout est déjà dans Moïse. Donc, je pense que cette traduction en grec, elle avait à la fois un but interne, mais aussi un but externe. Donc, et c'est vrai que c'est grâce à cette traduction-là que le judaïsme se fait connaître aussi en dehors un peu du cercle des initiés, d'une certaine manière. Et ça a permis, évidemment, après aussi au christianisme de grandir rapidement, parce que le christianisme va reprendre l'Ancien Testament, ce que va devenir l'Ancien Testament, mais justement en version grecque. Donc c'est l'histoire d'un texte qui part d'un tout petit territoire. Tout à fait, qui va et conquérir, disons, le monde de l'époque, mais toute la Méditerranée, évidemment, Babylone, c'est vrai. Et ça se passe grâce à la traduction. C'est quand même en grande partie grâce à la traduction grecque. Pourquoi est-ce que la Bible a connu cette fortune dans les siècles? Alors, c'est une quelque sorte une sorte de révolution quand même intellectuelle. Avant, comment se structure une religion dans le Proche-Orient ancien? C'est une religion qui est surtout liée au rituel, au sacrifice, à un clergé, des sanctuaires, peut-être des prophètes. En fait, des spécialistes du religieux et du rituel. mais on a très peu des textes. On a des textes comme Gilgamesh, mais ce n'est pas des textes qui sont utilisés dans une pratique religieuse. Donc ce qu'on a jusqu'à l'exil babylonien, d'une certaine manière, aussi dans la religion de l'Israël du Juda ancien, c'est une religion qui est une religion autour des temples, des prêtres, éventuellement des prophètes et d'autres spécialistes religieux, mais ça, tout se passe par le rituel. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le livre sert en fait à remplacer tout ça. Donc il y a une magnifique expression du poète Heinrich Heine qui avait dit « La Torah, c'est la patrie portative, donc das tragbare Vaterland ». Pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, ce qui se passe après l'exil babylonien, le judaïsme naissant va se construire dans un contexte qui est très très différent de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire il n'y a plus d'autonomie, géographique, donc il n'y a pas un pays où il n'y a que les gens qui pratiquent cette religion. On est en situation de diaspora, donc il y a des gens qui sont en Égypte, en Babylone, en Palestine, très vite aussi dans le bassin méditerranéen. On n'a plus d'autonomie politique, c'est-à-dire le roi est exilé, a été exilé, puis après le retour de l'exil, il n'y a plus de royauté qui se remet en place. Le temple a été reconstruit, mais les gens, en exil, ne peuvent pas aller toutes les semaines faire leurs sacrifices au temple. C'est quand même très loin de Babylone, Égypte, aller au temple Jérusalem. D'ailleurs, il sera de nouveau détruit en 70 par les Romains. Donc, en fait, c'est une sorte de immense substitution, en fait, au système religieux traditionnellement. Donc, c'est vraiment une révolution intellectuelle. Et donc, l'idée, c'est en effet, au lieu des sacrifices, qui sont réguliers, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la lecture régulière du texte de la Torah. Donc le sacrifice, ça va être la lecture de la Torah. Et le christianisme, il a hérité de cela. C'est-à-dire, en fait, le livre est mobile. Donc vous n'êtes pas obligé d'être à côté d'un temple, de sanctuaire. Le livre est mobile. Vous pouvez, surtout à partir de l'époque grecque, vous pouvez le multiplier, vous pouvez en faire des copies, ça voyage, etc. Et en même temps, ça crée un lien parce qu'on sait que si vous êtes à Rome, si vous êtes à Jérusalem, si vous êtes à Bagdad ou je ne sais pas où, vous avez le même livre que vous allez lire. Nous sommes en plein cœur de Genève, dans la vieille ville, devant l'entrée du un des plus anciens lieux de la sociabilité de la haute société genevoise. Et c'est ici que nous allons rencontrer Charles Mella, qui est un historien spécialiste du livre, en tant que président des Amis Suisses de la Fondation Sainte-Catherine du Sinaï. Alors pour entrer ici, cravate obligatoire, téléphone portable neutralisé, et les femmes sont tolérées. On va retrouver Charles Mella. Je suis allé au Mont Sinaï, qui est quand même une aventure assez exceptionnelle. Vous savez, vous devez vers 3h du matin vous lever pour... Ouais. Grimper jusqu'au sommet du mont où Moïse a reçu les tables de la loi, et c'est deux heures et demie de bonne marche pour arriver au lever du soleil. Alors là, vous avez dans ce paysage à la fois désertique et montagneux, vous avez granitique, vous avez un choc extraordinaire, c'est-à-dire l'impression d'être aux origines du monde, puisqu'il n'y a aucune trace de civilisation visible tout alentour. Vous êtes là au sommet et vous voyez le soleil se lever et éclairer peu à peu chacun des monts. Puis après, vous redescendez et vous êtes accueillis par les moines qui y vivent régulièrement. Et c'est un monastère exceptionnel puisque l'édifice a été créé à l'époque de l'empereur Justinien, au VIe siècle de notre ère. Et de façon ininterrompue, depuis le VIe siècle, la vie spirituelle, la vie monacale s'est maintenue dans ce monastère. Et même Ils sont protégés par les bédouins qui sont tout autour. Et d'ailleurs, dans le monastère, il y a la prolongation du buisson ardent. Voilà, donc il y a une chapelle bleue derrière, et là on accède, on voit le buisson ardent lui-même. On est là au cœur de la chrétienté. On est tout à fait au cœur de la chrétienté, comme c'était souvent le cas en Égypte, avec en même temps un extraordinaire mélange des cultures. Les manuscrits du Mont Sinaï sont des manuscrits qui sont écrits en grec, en latin, mais aussi en araméen, en arabe, en syriaque, en géorgien, en vieux slavon. Donc c'est toute l'histoire, comme toute la chrétienté d'Orient, si vous voulez. Ces manuscrits ont été toujours connus, le monastère était en activité. Dès le XIXe siècle, de nombreux chercheurs sont venus, dont notamment le fameux savant allemand Tischendorf, qui était venu pour le compte du roi de Prusse et de Saxe, puis pour le compte du tsar, si je me souviens bien, c'est Alexandre II. Il visite le monastère, et là, accès aux manuscrits, à la bibliothèque, et là, il découvre évidemment ce manuscrit, il l'identifie, c'est une révélation, le manuscrit du Sinaiticus, qui remonte au fin 4e, début 5e siècle, qui est le plus ancien manuscrit grec contenant l'Ancien et le Nouveau Testament. Et voilà donc l'histoire de ce livre disparu, réapparu. En 1975, à l'occasion de travaux de réfection qui avaient lieu dans la tour de Saint-Georges au monastère, qui était distincte, c'était le lieu où auparavant étaient entreposés les manuscrits, derrière un mur qui a été abattu, on a découvert à ce moment-là toute une série, disons, de nouveaux manuscrits, enfin, nouvellement découverts, et notamment avec quelques fragments du fameux Sinaiticus. Alors, je suis, comme vous le savez, président de l'association des amis de la Fondation Sainte-Catherine qui s'occupe de la restauration de la bibliothèque du monastère du Mont Sinaï et qui également s'occupe de la préservation des 2000 manuscrits exceptionnels qui se trouvent rassemblés dans la bibliothèque. Et vous êtes entré dans la bibliothèque ? Ah ben oui, bien sûr. Là, on voyait les livres aussi et l'état dans lequel ils se trouvaient. Donc, il faut savoir qu'au début, il y avait en dessous les cellules des moines et des cuisines, et au-dessus, les réserves d'eau. Je ne sais pas si vous imaginez la situation. Donc, il a fallu d'abord déplacer les moines, changer l'endroit de leurs cellules, de les enlever de là, enlever les cuisines de cet endroit-là, puis enlever l'eau qui pouvait être menaçante. Donc cette entreprise de conservation du patrimoine de la bibliothèque du monastère de Sainte-Catherine, c'est en ce moment que c'est en train de se réaliser ? Oui, absolument. Je crois que c'est au mois de juillet 2017 qu'au fond les travaux ont été achevés pour la rénovation de la bibliothèque. Et maintenant, le programme de Sainte-Catherine commence en ce moment et qui a trouvé le fabricant à Athènes pour cela, de boîtes métalliques qui sont calculées, conçues, formatées aux dimensions des différents manuscrits. Donc on a encore, disons, un bel avenir pour le livre. L'avantage du parchemin, c'est 15 siècles après, vous l'avez toujours. Lisible, et non seulement lisible, mais même il a été souvent... Alors là, on arrive à l'autre aspect qui est de ce qui a été découvert dans la tour de Saint-Georges, les palimpsestes. C'est un mot qui vient de deux mots grecs, palin, qui veut dire de nouveau, et psao, psan, qui veut dire gratter, racler. Ça veut dire que ce sont des parchemins qui sont grattés pour que l'on puisse dessus écrire de nouveau. Voilà, c'est simplement ça le palimpseste. C'est des spectrums qui sont utilisés, qui permettent avec plusieurs éclairages de faire ressurgir peu à peu et de recomposer ce qui était dessous, ce qui a été gratté, mais dans les parchemins en question, bien sûr. Et alors, à ce moment-là, alors vous avez des logiciels, des algorithmes qui permettent d'effacer à ce moment-là ce qui est par-dessus et de garder ce qui est dessous. Et c'est là où on s'aperçoit que sous les manuscrits que nous possédions, nous avions d'autres, dans d'autres langues, d'autres textes. Alors, Vous avez des exemples plus remarquables dans ce projet. C'est lorsque, sous les caractères que vous voyez ici, on a découvert apparemment comme des traces de tiges. Et alors l'un des chercheurs a dit je vois une fleur qui sort du manuscrit. Alors on a cru au début que c'était une fleur séchée qui avait été mise entre les pages du manuscrit. Pas du tout. Le travail a permis de reconstituer ici un traité important, médical, sur les plantes, notamment pour soigner, dans ce cas-là, les piqûres du scorpion. Vous le voyez ici, on voit très bien comment apparaît, grâce à cette technique très précise, comment apparaît l'illustration des herbes qui se trouvaient sous le manuscrit. Nous sommes arrivés sur une immense terrasse qui domine le lac Léman, tout près de Genève, sur la rive gauche du lac Léman. Et cette terrasse magnifique qui surplombe l'eau, les montagnes du Jura en arrière-fond, en fait, est le toit du musée de la Fondation Bodmer. Alors, sous nos pieds se trouvent ensevelis les trésors de la collection de Martin Bodmer, ses manuscrits, ses œuvres originales de l'histoire du livre. C'est là que se trouve un des trois plus importants lots de papyri pour remonter à l'origine du christianisme. Nous sommes dans la première salle du musée. On est descendu à quelques mètres sous terre. On est entré dans une salle qui est dans l'obscurité. Les lumières s'allume quand on s'approche d'une œuvre. Il fait frais, les conditions hygrothermiques sont optimales et on est avec Nicolas du Cimetière, qui est le vice-directeur de la Fondation Bodmer. Alors nous avons en fait quatre vitrines qui sont consacrées véritablement à l'histoire biblique. La première d'entre elles, elle nous renvoie justement aux textes fondateurs et à la manière dont ces textes se sont diffusés à travers le Proche-Orient notamment. Et l'intention de cette vitrine, dans le contexte géopolitique qui est le nôtre à l'heure actuelle, était l'occasion de montrer comment le Proche-Orient, autour du texte biblique, a connu en fait une variété de cultures et de syncrétismes et de mélanges en fait des cultures et des langues. Donc on part des textes initiaux, donc les papyri Bodmer. Vous en avez deux feuillets qui sont montés sous plaque au mur, côte à côte, provenant du même codex, donc du même manuscrit. Vous avez la Genèse, Ancien Testament, et le passage de l'Évangile de Jean racontant l'éponge de vinaigre et la mort du Christ. Donc, les deux traditions, veto et néo-testamentaire, sont mises côte à côte et étaient réunies à l'époque sous la même reliure. Vous voyez, c'est déjà en soi un symbole. Vous avez ici un évangile, l'Évangile de Matthieu, sur parchemin, un peu plus tardif, 4e, 5e siècle. Et là, le codex, hein, puisqu'on voit vraiment la forme du livre qui a été conservé, avec double page. Au milieu, la couture. On voit la petite ficelle donc, qui sert à réunir les cahiers. Et le passage en question, je l'ai choisi pour une raison bien simple. Dans la dernière colonne à droite, en bas, on voit un passage avec de l'encre un peu plus foncée. Il s'agit des mots « Rabbi, Rabbi ». C'est le moment où Judas va donner le baiser. « Rabbin, rabbin, donne-moi le baiser. » Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Matthieu 26, 49. Shalom, mes frères. Ah, Judas. Quelle joie de te revoir, mon frère. Prends place à notre table. Ça fait longtemps. Merci. Tu es toujours avec un Galiléen ? Tu parles du prophète ? De Nazareth ? Ouais, je suis toujours avec lui. En tout cas, c'est avec lui que mon âme se complète. réserve. Et on suit Nicolas du cimetière qui entre dans la chambre forte où sont contenus les manuscrits les plus précieux. Donc voilà la chambre forte, le coffre fort qui contient les trésors de la Fondation Martin Bodmer. Comment vous appelez ça déjà ? Compactus. Ah oui, compactus. J'ai besoin de vous. J'ai besoin d'assurer sa sécurité et c'est pour ça que j'ai pensé à mes anciens frères d'armes. Tu peux compter sur nous, Judas. Attends. On a confiance en toi. Mais on aimerait savoir s'il est Messi. Oui. Nicolas du cimetière, la Fondation Bodmer contient des documents très importants pour comprendre l'histoire de la Bible. Dans quel contexte ont-ils été acquis et qu'est-ce qu'ils contiennent ? Alors pour évoquer ces documents, il convient de revenir aux circonstances de leur découverte. Nous sommes dans les années 1950, en Moyenne-Égypte, du côté de Nag Hammadi, qui est un grand lieu du monachisme naissant. Et des ouvriers, en bâtissant une zone résidentielle nouvelle, mettent au jour une cave contenant, semble-t-il, des grandes jarres, elles-mêmes abritant des masses de papyrus. La découverte serait en soi déjà extrêmement intéressante, mais elle va vite montrer qu'il s'agissait probablement de la bibliothèque oubliée et enterrée d'un monastère copte. Donc cette émergence du monachisme, une fois de plus, qui s'était constituée entre le 3e et le 5e ou 6e siècle de notre ère et qui était restée in situ. Alors ces papyrus vont très vite remonter au Caire. Les ouvriers ont compris effectivement la valeur, l'importance de ces documents, vont les proposer à différents antiquaires. Et l'information arrive à l'époque aux oreilles de Martin Bodmer, qui délègue sur place son adjointe et bibliothécaire avec la charge de ramener quelques documents bibliques qui pourraient compléter sa collection. Et puis cet envoyé va se prendre au jeu et va comprendre l'intérêt de conserver au maximum la découverte intégrale, en évitant la dispersion en fait, des documents. Et donc, elle va ramener une partie la plus importante en fait, de ce lot qui était déjà dispersé entre différents antiquaires. Elle va faire des pieds et des mains pour pouvoir maintenir la cohésion de cet ensemble qui contient des textes assez extraordinaires puisqu'ils sont de nature diverse. Ce qui montre en fait l'ouverture d'esprit de cette communauté monastique primitive égyptienne. Donc, on y trouve à la fois des textes bibliques, évidemment, canoniques, pour nous, c'est-à-dire notamment les évangiles, les quatre évangiles traditionnels, et puis également des textes que par la suite l'Église a rejetés. Donc ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Protévangile de Jacques, Nativité de Marie, nous les avons effectivement par des exemplaires datant très souvent du 3e siècle. Ces documents sont rédigés soit en bon grec, ce qui est le cas par exemple de notre papyrus Bodmer numéro 2, qu'on appelle en nomenclature internationale le P66, et qui est en fait la plus ancienne copie connue de l'Évangile selon saint Jean, sous forme d'un livre quasi moderne, c'est-à-dire des feuillets de papyrus qui étaient rassemblés par une couture et par une reliure, et non plus les rouleaux à l'ancienne. Eh bien, nous avons ici une version grecque de l'Évangile de saint Jean, qui date du tout début du 3e siècle, peut-être même de la fin du 2e, et qui n'est précédé que par un tout petit fragment possédé par une université irlandaise, si ma mémoire est bonne, et qui est gros comme une carte de crédit. Tandis que là, on a le texte, à part quelques fragments un peu lacunaires, mais autrement, l'ouvrage est complet. Donc ça, c'est du grec. Et puis d'autres textes bibliques sont, eux, présentés en copte. Alors qu'est-ce que le copte ? Eh bien, c'est de la langue égyptienne, pharaonique, donc la langue des autochtones avant l'arrivée des conquérants perses ou grecs, mais qui au fil du temps ne s'est plus matérialisée, notamment dans les communautés chrétiennes, par du hiéroglyphe, mais par une adaptation de l'alphabet grec. Donc ça, c'est la première partie, ce sont les textes vraiment bibliques, qu'ils soient canoniques ou apocryphes. Et puis il y avait également dans ce lot, chose assez extraordinaire, des textes profanes, de différentes natures. Alors on va y trouver par exemple le plus vieil exemplaire, enfin le plus vieux fragment connu de la guerre de Péloponnèse de Thucydide, datant du 3e siècle. Et surtout, trois comédies de Ménandre, le célèbre dramaturge athénien, trois comédies que l'on connaissait par des sources ultérieures, qui avaient survécu, citées par de seconde main par des auteurs qui venaient picorer quelques vers par-ci par-là, mais le reste était jugé perdu à tout jamais. Et là, c'est une des grandes joies, disons, de ce fonds, hein, quand les papyrologues ont commencé à s'y pencher très vite, à partir des années 60, c'est de découvrir trois comédies de Ménandre, dont l'une parfaitement intacte. Jeter un coup d'œil au papyrus ? Ah oui. Les papyri Bonne Mère sont conservés dans ces petites boîtes faites sur mesure, donc avec les cotes indiquées sur de petites étiquettes qui renvoient aux différents fragments, aux différentes pages. Et voici comment la plupart se présentent, donc non pas sous la forme de codex, il n'y en a que quelques-uns qui ont gardé cette forme-là parce que, disons, leur état le permettait, mais la plupart du temps, il s'agit de plaques de verre qui contiennent les feuillets séparés les uns des autres. Et nous parlions tout à l'heure des comédies de Ménandre. Eh bien, les voici, par exemple, la Samienne, hein, qui n'est pas celle qui est complète, puisque donc les premiers feuillets ont disparu. Et voici donc ces plaques de taille standard, et à l'intérieur le papyrus n'est pas en contact avec les plaques, hein, il est préservé par une petite épaisseur de papier intermédiaire montée par des petits ponts de papier japon, donc comme s'il était en suspension très légèrement, donc pas de contact qui viendrait écraser les fibres du papyrus, et vous avez donc chacune des pages du feuillet, donc recto verso, voilà, qui peut être en lisibilité. Et ces papyri désormais, mais vous êtes des privilégiés parce que ils ne sont plus communiqués aux chercheurs désormais, dans la mesure où l'intégralité de notre fonds de papyri a été l'objet d'une grande campagne de numérisation. Tout un chacun peut désormais aller feuilleter ces documents exceptionnels qui sont donc à la fois, comme on l'a vu tout à l'heure, bibliques canoniques, bibliques apocryphes, mais également profanes. Et vous avez ici donc les premières plaques. Voici l'incipit du Discolos de Ménandre. Vous avez en haut le titre de la pièce, Discolos, qu'on lit très nettement. Donc un papyrus de la Genèse. Le PB3. Qu'est-ce que la découverte de ces papyri nous raconte de ce qu'est la Bible ? Alors, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette communauté monastique, par exemple, s'est confrontée aux textes bibliques. Là, nous retrouvons les textes tels que ces moines ont voulu qu'ils soient présentés. Alors, par exemple, dans une reliure, nous allons trouver côte à côte, c'est le papyrus Bonne Mère 19, si ma mémoire est bonne, nous allons trouver côte à côte la Genèse et l'évangile de Jean, confrontés l'un à côté de l'autre, probablement dans un but pratique, disons, de confrontation théologique des deux textes. Donc, on voit en fait, dans une découverte de ce type, les textes vivre, être utilisés par une communauté des débuts du christianisme. Et on voit effectivement que, eh bien, les choses se cherchent, elles sont encore en devenir, de la même manière qu'on voit être utilisés, manifestement être lus dans une communauté tout à fait orthodoxe, des textes qui ont été supprimés deux siècles plus tard et déclarés hérétiques. Alors la Fondation possède aussi, au-delà des papyri Bonne Mère dont nous parlions, un très bel exemple de ces textes rapidement condamnés par les différents conciles, qui est l'Évangile de Judas. L'évangile de Judas, une copie là encore du 3e siècle, qui est en dépôt à la Fondation Martin Bonnemère depuis de nombreuses années. C'est également ici que l'exemplaire unique a été restauré. Eh bien, nous avons un évangile rapidement décrété hérétique, puisque saint Irénée de Lyon, déjà, dans son traité contre les hérésies, qui est l'un des premiers du genre et qui a vu le jour à la fin du 2e siècle, hein, aux environs de 180-185, met déjà l'accent sur la nécessaire condamnation de ce texte. Et on ne connaissait de cet évangile apocryphe que cette citation de saint Irénée. C'était le seul témoignage antique, avec un petit résumé de la substance, évidemment à charge, qui était faite, et on ne connaissait ce texte que par celui qui avait été un des bourreaux du texte, un de ceux qui l'avaient poursuivi et fait poursuivre. Et tout à coup, avec cette découverte faite en Égypte en 1978, eh bien, ce texte revenait à la lumière. Alors, il va connaître de nombreuses pérégrinations. Florence Darbre vous en parlera mieux que moi. Mais il est désormais restauré, publié, et il nous a apporté une connaissance de toute première main sur ces courants finalement très mystérieux, très difficiles d'accès, que sont les courants gnostiques des premiers temps du christianisme. Florence Darbre, vous êtes la restauratrice de ce document. Est-ce qu'on peut voir avec vous une page de l'Évangile de Jude ? Alors, chaque plaque est conservée dans une espèce de chemise à rabat. La plaque est totalement protégée. Voilà, là vous avez par exemple la page 35. Oui, donc là on est face à une page de papyrus d'un format à peu près A4, donc de couleur brune. Et on voit très clairement le texte, parfaitement rédigé, aligné. Et il y a une sorte de Marie-Louise qui vient épouser la forme accidentée de la page de papyrus. Vous aviez travaillé sur des confettis. Exactement, oui, des confettis, voire de la poussière presque. Non, la poussière, on ne peut pas la récupérer, malheureusement. Mais effectivement, des tout petits fragments, c'est vraiment comme un bracelet. On pourrait prendre cette comparaison, si vous tapez un peu le bracelet, il va partir en miettes. De le présenter de cette manière-là, c'est vraiment un choix de conservation, puisqu'il a déjà tellement souffert, il est tellement fragile. Voilà. Donc en fait, le travail a consisté à séparer les différentes couches et de placer tous les fragments sur des plaques de verre. Et des photos ont été prises et ensuite envoyées à M. Casser dans un premier temps. Et lui, alors il a commencé à essayer de trouver les emplacements des fragments. Ensuite est intervenue aussi une autre personne, M. Wurz, qui lui a travaillé aussi plutôt à l'aide d'informatique. M. Casser, c'était vraiment comme un puzzle. Il découpait les fragments et puis ensuite il les replaçait sur le papier. Il m'envoyait tout cela et moi je devais évidemment placer les fragments et puis aussi dire oui, ce fragment est à la bonne place parce que le papyrus a une structure qui n'est jamais la même en fait. Vous avez des fibres horizontales et verticales, vous avez une couleur et puis vous avez évidemment la lettre si le fragment se trouve dans le texte. Je peux dire aussi c'est que en fait, des analyses ont été faites sur ce document pour être sûr qu'il s'agisse d'un original, on va dire. Donc il y a des analyses de l'encre qui ont été faites, des photos multispectrales et puis ensuite carbone 14. Donc pour vraiment authentifier le document. Et alors les dates concordent ? Les dates concordent, voilà. Vraiment, je pense que si personne n'était intervenu, que ce soit Madame Nussberger, Monsieur Casser, et puis quelqu'un qui travaille sur la reconstitution, en fait, plutôt qu'une restauration, je pense que le document ne serait peut-être plus là aujourd'hui. On aurait un livre disparu. On aurait un livre disparu avec quelques mots, et je pense que beaucoup de personnes se poseraient beaucoup de questions en disant « Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte ? Qu'est-ce qu'il y avait ?» Parce qu'il y a quand même des références, mais on n'aurait pas l'histoire, en fait, qui est fascinante. Judas ! Judas, attends ! Va-t'en ! J'ai compris ce que tu m'as dit la dernière fois. Et qu'as-tu compris ? Il faut détruire tous les écrits. C'est déjà fait. Il te reste un parchemin que tu n'as pas détruit. Ce sont les paroles de ton maître qu'il a données au bord du lac de Tibériane. Je te le donne. En témoignage de ma bonne volonté. Tu as vu comment ces paroles sont légères ? Aussi légères qu'un vol d'hirondelle. Pouvez-vous nous raconter qui était Judas dans la vision officielle qu'il y avait avant de découvrir l'évangile de Judas ? Judas a toujours été la figure par excellence du traître, celui des apôtres qui décide de vendre Jésus et qui va le livrer aux autorités, disons, juives, en paiement donc de 30 deniers. On sait que ce qu'il en advient, l'arrestation après la dernière scène et le supplice qui va mener donc Jésus jusqu'au Golgotha. Cette figure a toujours fait l'objet de débats, donc une figure toujours diabolisée, peinte par les fresques médiévales comme un objet de dégoût et de rejet. Donc la figure du traître par excellence que l'on retrouve dans Dante également, dans le cercle consacré aux traîtres à leur cause. Et c'est vrai que cette vision a toujours été contrebalancée par certaines traditions et ont excité finalement l'imagination. Et il est certain que la redécouverte de cet évangile est venue apporter un certain tsunami théologique et intellectuel, parce que là, on voyait pour la première fois se manifester ce qui était l'autre histoire de Judas, c'est-à-dire celle du disciple préféré, qui aurait été envoyé en mission afin précisément de permettre au destin du Fils de Dieu de s'accomplir. Donc c'est vrai que l'évangile de Judas, qui lui apporte une vision, une lecture totalement différente de cet épisode, là effectivement l'histoire est prise totalement à rebours, ce qui est assez gênant parce que même quand on le lit pour la première fois, après des siècles et des siècles, disons, d'orientation voulue par les évangiles conventionnels, eh bien on se retrouve devant un texte dont on se demande même comment il a pu exister à une certaine époque, mais qui montre que dans ces milieux gnostiques égyptiens, chrétiens, il y avait effectivement une réflexion qui ne voyait pas une lecture unique des faits de l'histoire de Jésus et qui pouvait très bien présenter Judas comme étant celui qui avait permis l'accomplissement du supplice et donc du rachat du genre humain. Quelle a été la réaction des autorités vaticanes, par exemple ? Alors, en l'occurrence, les autorités vaticanes connaissait, disons, le texte par saint Irénée, et c'est quelque chose que les théologiens n'ont pas abordé comme étant véritablement une découverte. C'était plutôt du côté des fidèles que le message parfois a eu plus de mal à passer, et c'est vrai que dans certains milieux traditionalistes, voire, disons, extrémistes, notamment aux États-Unis, la découverte de cet exemplaire d'un texte jugé hérétique depuis le deuxième siècle de notre ère a provoqué, bien entendu, des remous dans le sens où l'entreprise qui était faite d'études et de traductions semblait œuvrer en direction d'une réhabilitation et puis aussi d'une remise en cause des évangiles canoniques. Et là, évidemment, il y a eu certaines manifestations de colère, voire de haine, notamment à l'égard de l'équipe des chercheurs qui se penchaient à l'époque sur la restauration du document et sur sa transcription. Oui, on voit que c'est des enjeux qui sont encore très actuels. Ça n'a rien d'un dossier classé. Les livres perdus le sont parfois pour des raisons, j'allais pas dire bonnes, mais en tout cas évidentes, parce qu'ils ont été l'objet d'une condamnation. Et quand ils touchent des thématiques aussi sensibles que peut l'être la religion, alors évidemment leur mise en lumière provoque toujours un séisme. C'était À la poursuite des livres manquants, l'histoire sans fin de la Bible. Attention, fais attention. Avec Thomas Römer, titulaire de la chaire Milieu biblique au Collège de France. Estelle Villeneuve, archéologue et journaliste scientifique. Charles Mella, historien du livre et président de l'Association suisse des Amis de la Fondation Sainte-Catherine du Sinaï. Nicolas Ducimetière, vice-directeur de la Fondation Martin Bodmer près de Genève. Florence Darbre, conservatrice, restauratrice de livres anciens et de papyrus. Extrait des films L'histoire de Judas de Rabat Hammer Zahimesh et Les 10 commandements de Cécile B2000. Recherche INA, Inès Barja. Prise de son Thibaut Nassimben, Yves Le Hors. Mixage Manuel Couturier. Merci à Benoît de Sagazan. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Anna Smuk.